Bonjour les amis. Buenos dias. Bonjour. Salut. Salut. Dites-lui bonjour quand même. Bonjour les amis. Ça, ah, ça fait une heure qu'on a dit bonjour. Les amis, ça va pas trop. Voilà, bonjour les amis, sauf Daniel Morin, avec qui il était évidemment impossible de tisser une relation de cette nature. L'amitié, ça demande d'être bien dans sa tête et dans son époque. Chez Daniel, on est 75 ans trop tard pour ça. Il faut pas être et nostalgique et amical. Vrai Maréchal. Affirmatif. Bien d'accord. Vous le savez certainement. Pardon. Si vous êtes en vie et qu'il vous reste au moins 4 de vos sens, la droite de France est sur le point d'élire son petit poney, lequel va galoper avec ses petites pattes usées de poney jusqu'à l'Élysée pour pouvoir manger tout le foin qu'il veut et en redistribuer à ses copains patrons. Et j'ai bien conscience que cette métaphore, elle est chelou-pouliste, c'est-à-dire à la fois chelou et populiste, mais on n'a pas toujours le temps pour deux adjectifs, sauf Leïla qui a toujours le temps pour deux adjectifs, ou pour alors 19, tout comme Frédéric Mitterrand, qui ne s'en prive pas dans son dernier ouvrage. Et c'est tant mieux, je profite d'ailleurs de votre présence, monsieur Mitterrand, et de votre ascendance familiale notoire avec le président Pompidou, pour m'en excuser. J'ai parfois le très lourd avec la primaire à droite, mais c'est juste parce que je suis un mec populaire, vous savez, c'est ce qu'on appelle à Inter un véritable homme de gauche. Les vrais gens, quoi, ce qu'on appelle les vrais gens. Alors certes, j'admets que j'ai plus vu un ouvrier. J'admets que j'ai plus vu un ouvrier en vrai depuis 2011 et qu'avec l'argent de ma consommation mensuelle de vodka, t'as de quoi acheter un bébé au marché noir. Mais mon engagement de gauche, personne ne me l'enlèvera du cœur. Je souffre sincèrement pour les plus fragilisés et les laissés pour compte de notre société, au moins autant que quand ma mozzarella manque de crème. Et je peux vous dire que ça n'arrive plus souvent qu'on ne croit. Alors, tant que faire se peut, je m'engage. Je donne de ma personne, vous savez, pas plus tard que le mois dernier, j'ai encore fait un statut Facebook sur la brutalité des inégalités sociales. 62 likes, 6 commentaires. Je fais bouger les lignes, mais à mon petit niveau. C'est vous dire, monsieur Mitterrand, qu'il n'y a personne en Occident libre qui a plus le profil France Inter que moi, je pense. Vraiment. Vous êtes honnête, c'est vrai, financièrement. Ça marche mieux depuis que je tapine dans l'industrie de la blague indigne et de la chronique bancale. Alors, je m'embourgeoise, je me dilue. Je me surprends à dire dans les dîners de potes, oui, il faut reconnaître que c'est quand même les entrepreneurs qui donnent du boulot aux gens. Je vous dis, je me sens partir. Si je fais rien, dans 2 ans, je me balade en Burberry avec un chien de race sous le bras, quoi. Vraiment, j'aurais tout oublié. Un barzoï. C'est vrai, moi je viens d'une famille où on est fauché depuis genre le paléolithique moyen, quoi. Tu regardes dans mon génome, il n'y a pas un chromosome avec une Rolex. Clairement, c'est déjà un miracle si aujourd'hui je ne suis pas esclave dans une cuisine au Qatar et puis j'ai des courgettes sous le regard torve d'un chèque local impitoyable. Encore que ce n'est pas peut-être pas un bon exemple quand on voit la configuration ici. Une vanne proto-raciste. Je dérive, je m'oublie, j'ai peur de basculer. C'est parfait. Et on en revient à ce que je disais au départ. Ce qui me sauve, c'est les débats de la primaire à droite. Je regarde ça pour me rappeler d'où je viens et pour me dissuader. Et comme on regarde des photos de toxicomanes cramés, en disant, ouais, j'ai peut-être pas commencé le crack tout de suite. Dans un premier temps, je vais continuer à l'Orangina. Et ça me recadre idéologiquement, clairement. C'est vrai, sérieux, en tant que Belge, quand je regarde les débats de la droite française, je me dis, putain, ça c'est quand même vraiment fort, fort à droite, quoi. Moi, je viens d'un pays où ce genre de débat-là, ça se tient dans un tribunal directement pour gagner du temps. Je vous promets, en Belgique francophone, si t'as 7 dirigeants potentiels qui disent ensemble à la télé, on va supprimer 500 000 emplois publics en 5 ans, mais le lendemain matin, tout le monde serait dans la rue s'il faisait meilleur, vraiment. Le climat est un peu rude pour une révolution, mais en tout cas, on serait au bord de la pétition online, quoi, clairement. Attention, la droite gouverne chez nous, détricote la sécu, augmente l'âge de la retraite, tout ça, elle fait le taf, quoi. Mais des discours aussi durs sur l'identité, la sécurité, la fiscalité, la fonction publique, à une heure de grande écoute, chez nous, ça se choquerait encore, quoi. Enfin, ça choquerait les mecs de gauche, comme moi, disons. Putain, faut que je fasse un statut Facebook, là. Bon, allez, bonne émission, les amis. Merci. Bravo. Bravo. Bravo.